faire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, et ces cons, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Rebonsoir. Et bonsoir à tous. Salut Saint-Étienne. Hey, il y a de la meuf ce soir. J'ai pas dit il y a des meufs, j'ai dit il y a de la meuf. D'ailleurs elle est où, je la vois pas, elle est où? Ah oui, bonjour mademoiselle. C'est la Saint-Valentin. Oui non, c'est la Saint-Étienne ici, c'est pas la Saint-Valentin, désolé quoi. On choisit pas quoi. Bon, ça va les filles, les drôles de dames? Vous êtes en forme? Elles sont mortes, elles sont décédées. Non, on est là. Dis-moi Polo, non, tout à l'heure t'as vu que Gilbert a essayé de me balancer sur Manu France, il s'est dit je vais encore faire une blague sur la collaboration. C'est un petit peu minable, c'est pas trop mon genre. Non, en revanche, on est avec Monsieur Guillou, donc qui est un spécialiste des Verts et de l'Allemagne. Oui. Alors toi, Polo, qui connais un peu bien, c'est quoi l'équivalent des Verts en Allemagne? C'est quoi? C'est les... Ah, il l'a dit tout à l'heure. Le Gladbach. Mais Gladbach. Mais en plus, parce que Saint-Étienne, bien sûr, a eu son Bayern et que Gladbach a eu son Liverpool, quoi. D'accord. Voilà. C'est pas les Verts de gris, c'est pas les mêmes. C'est pas la même équipe. Tu t'améliores de plus. Non, mais non, parce que non. Bah, c'est de mieux en mieux chaque semaine. Ça doit s'appeler l'expérience. C'est une grosse équipe, à Munich Gladbach. Polo, tu pourras confirmer. Ouais, ouais. Avec Simonsen, avec cette génération. Ils sont partis les deux, on est mal barrés. On va vous laisser. C'est du football, Casablanca. Une bière. Mais tu sais qu'on apporte, il paraît que c'est vrai qu'en Allemagne, on apporte les bières, les nanas, elles apportent les bières carrément dans les tribunes. Oui. Elles apportent sur le terrain, parce que ces saignants m'ont demandé si c'était possible. Non, ça pourrait l'intéresser, Eli, parce que, il dit, ça vient sur le terrain, là, il y a peut-être moyen que, entre, toi. Qui signe à Wolfsburg. Ah ouais, qui signe à Wolfsburg. Alors, Fredo magique, toujours là, magnifique. Tu nous as parlé de ton époque, tu dis, ah, mon époque à Bollard, il y avait des parades. C'était avant Rougnier, j'imagine. Je pense que depuis, ça s'est vachement calmé. Une pensée pour Ronaldo qui a joué, alors lui, il correspond à peu près à plusieurs championnats, il a fait l'Espagne, il a fait l'Italie, tout ça, Ronaldo qui prend sa retraite. Trop de problèmes de blessures, Ronaldo, c'est vrai, quand même, c'est vrai qu'il a enchaîné, hein, il a eu double fracture de la côte de porc sauce béarnaise, entorse de la chicken wings, déboîtement de l'épaule d'agneau, sauce curry, épanchement de la poitrine fumée aux Arbres de Provence, autant dire qu'il a vraiment souffert. Il y a des rumeurs de dopage, auto-transfusion au ketchup, alors qu'en fait, il a été pris qu'une fois, c'était positif à la sauce samouraï. Donc, c'est un petit peu dur, mais bon, on souhaite quand même qu'il s'en sorte. De toute façon, le Real n'a plus besoin de Ronaldo, puisque le Real a... Benzema. Karim Benzema, évidemment. Alors Karim Benzema, Fred, qui n'a pas joué. Alors moi, je connais la raison, hein, évidemment. Alors il y a des mauvaises langues. La raison, c'est qu'en fait, c'est Mourinho l'a préservé pour le Luxembourg-France du 25 mars. Non, mais déconne pas, parce que c'est un gros déplacement. Hein. Je crois que c'est 4 heures de bagnole depuis Clairefontaine. On passe par des bleds comme Chalon-sur-Saône, Thionville. Tu vois, c'est faut de la mise au vert. Hein. En plus, je crois qu'il y aura deux gros clients en face. Hein. En défense centrale, il y a Guy Blaise, Jérôme Bigard. Je les invente pas. Hein. C'est les vrais noms. Du Excelsior de Vignon, donc autant te dire, ça sent l'hostilité à plein nez, vaut mieux être prêt. Donc moi je le comprends, le mec, il vaut mieux qu'il se prépare dès maintenant. Fifi à Chelsea, j'ai vu qu'il voulait rajeunir l'effectif, hein, qui est un peu vieillissant, surtout l'attaque, le Malouda, Drogba, Anelka, faut donner un coup de jeune. Alors pour l'attaquant puissant devant, ils ont Torres. Pour le joueur qui percute côté gauche, il pense à Hazard. Et pour la tête de con à droite, il y a plusieurs sources. Moi, j'avais pensé à Payet et Seignon Ben Arfa, qui ont un gros potentiel de tête à claque, mais qui n'ont pas la capacité intrinsèque, comme dirait Pabiouf. C'est intéressant. Je pense qu'ils ont quand même un potentiel. Sinon, je vois pas qui peut le remplacer. Hein. C'est quand même du très lourd, Anelka. Hein, c'est 20 ans de tête de con, donc faut y aller, quoi. Un peu le Ronaldo, hein, de la truffe. Alors, je voulais quand même... quand même dire bonjour à Saint-Étienne, parce qu'on est quand même à Saint-Étienne. Hein, et je vois que tout le monde est debout. Du mal à s'asseoir, les mecs? Qu'est-ce qui se passe? Non, je vois que personne veut s'asseoir. Il y a un problème. Il y a du mal, peut-être. Non, mais vous le dites. Hein. Il se serait passé un truc récemment, je suis pas au courant. Attends, tu sais que c'est très complexe, Saint-Étienne, parce que tout à l'heure, on a eu le jeune Evan. Est-ce qu'il est toujours là? Qui nous a dit que quand il est stéphanois, il habite à Lyon, il dit j'ai honte. Non, t'as dit t'as honte, mais t'en es fier. Faudrait que tu nous expliques ce que ça veut dire. Alors, c'était pas très clair. Hein. Le mec, j'ai honte, mais j'en suis fier. C'est un truc que il a honte de la raclée subie et fier malgré tout. Ah, il est fier d'avoir eu honte. Mais c'est la moindre chose. Ah non, mais moi si on me parle clairement, je comprends. Alors, je voudrais revenir sur la Ligue 1 et le vrai problème de la Ligue 1, la vraie terreur de la Ligue 1, c'est la saison hivernale. Évidemment, c'est l'hiver qui fait du mal puisque les pelouses sont pourries, les stades sont frigorifiés, mais on n'y peut rien, c'est plus fort que toi, ça, c'est l'hiver. D'ailleurs, c'est pas nouveau qu'on le chante, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on le chante. Allez, qui c'est le plus fort, évidemment, c'est l'hiver. Avec des terrains pourris, des stades en frigidaire. On va s'égler, ça c'est juré. Allez, allez, qui c'est le plus fort, évidemment, c'est l'hiver. Tant pis pour le beau jeu, chauffer la pelouse, c'est trop cher. Avec le blé, je préfère acheter des pieds carrés. Allez, l'hiver. Ah ben allez l'hiver, moi j'ai envie de dire. J'ai envie de dire allez l'hiver. C'est terrible, hein. C'est affreux quoi. Alors tout à l'heure on a eu donc Monsieur Romeyer, le président, et un auditeur qui lui a demandé si dans sa tête il voulait pas jouer la Coupe d'Europe. Et si dans sa tête il la joue la Coupe d'Europe, y a pas de problème. Lui même dans sa tête, je crois qu'il veut échanger Sanogo contre Lionel Messi, mais y a pas de problème. Tant que c'est dans sa tête, il peut faire ce qu'il veut le mec. Ça dérange pas, mais éclate-toi mon pote. Enfin bref quoi, ça c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'avais vu? Non moi ça m'a un peu. Le problème. C'est que, je suis désolé pour vous les gars, c'est que c'est pas un hasard si vous avez pris une branlée, c'est que nous à chaque fois l'after qu'on va dans une ville, c'est une catastrophe. En Brest, ouais, ils étaient deuxième, ils se sont écroulés. Rennes, ils étaient premiers, ils ont eu un gros coup de moins bien. Lyon, c'était la cata quand on est passé. Hein? Oui Daniel, on va retourner à Marseille, t'inquiète pas. Ça donne des idées à Daniel du coup. T'inquiète pas, on peut même y aller toutes les semaines si ça t'arrange Daniel. Oh, il est con celui-là. Je me demande pour qui il est lui. Alors oui, Jean-Michel Aulas. Alors Jean-Michel Aulas, si tu en parlais, Daniel, qui a dit qu'il avait entendu un tic-tac dans la PlayStation. Alors, le problème, c'est que je sais pas pour qui nous prend Jean-Michel Aulas. Il a dû croire que c'était un réveil matin où il montre à Goussin une PlayStation. C'est-à-dire que les mecs de Sony, ils ont mis 30 milliards en 15 ans pour développer un jouet qui fait juste tic-tac. Tu vois, c'est ça. Non, mais je pense que ses enfants, à lui, doivent avoir un bilboquet, un docteur Maboule, tu vois, ou une machine à bulles, mais je crois qu'il sait pas trop ce que c'est. Le problème, c'est que non. Le joujou qui coûte 300 millions et qui fait tic-tac, c'était le sien, lui, depuis 3 ans, qui gagne pas un titre. Lui, je crois que ça fait pas tic-tac, ça fait pas de tactique. Ça fait toc-toc, certains joueurs, des fois, Kader Keita et compagnie, et ça coûte aussi cher. Non, je crois que le problème, c'est que le tic-tac qui était dans sa tête à Jean-Michel Aulas, c'est lui qui va exploser, ça fait un petit peu peur. Et j'ai envie de lui dire, c'est vrai que Saint-Etienne joue la Ligue des Champions sur la PlayStation, mais le problème, c'est que l'Olympique Lyonnais, eux, les titres, c'est sur ESPN Classic. Donc, c'est ça qui est un petit peu dommage. Ah, je savais que j'étais au bon endroit. je balance sur l'Olympique Lyonnais, mais je suis content du retour de Lisandro qui est redevenu incontournable. S'il est revenu, ah bah si, il a pris 27 kilos pour le contourner, faut y aller. Faut prendre de l'avance, hein. Faut un vélo, quoi, tu vois, il est pas facile à contourner, le mec. Enfin bref, c'est que Ronaldo, il devient presque aussi gros que Lisandro, moi ça m'inquiète, hein. Alors, l'OM, on a parlé de l'OM. Alors, on a dit qu'à l'OM, il fallait des attaquants intelligents. Ah ouais, c'est vrai que Georges Charpak et Michel Serres étaient pas dispo, alors qu'est-ce qu'on a pris? Bah, Gignac et Brandao. C'est pas les prix Nobel, enfin c'est les prix Chantal Nobel, hein. C'est-à-dire qu'ils foncent directement dans le ravin. Oh. Ah, ils réfléchissent. Oh, non, oh non. Oh vous allez, bonne celle-là. Qui est le prix? Non, j'arrête sur l'Olympique de Marseille, je vais parler un peu du Paris Saint-Germain. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ceci est une alerte enlèvement. Le pied gauche du jeune néné a été enlevé. Il ne donnait plus de nouvelles depuis plus d'un mois. D'après l'enquête, les ravisseurs l'auraient subtilisé, laissant à sa place un morceau de foie de génisse. Foie de génisse avec lequel il est très difficile d'exécuter un coup de pied arrêté. Si vous apercevez le pied gauche de néné, avertissez immédiatement les forces de police. Oui, merci. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour rappeler que ça fait maintenant 191 jours de détention pour nos deux confrères, le pied droit et le pied gauche de Mevlut Erding. Pour lesquels l'espoir de les retrouver semble maintenant aussi épais que le palmarès de Raymond Domenech. Autant dire, ça va pas être très très facile à les retrouver. Bon, un ancien Lyonnais et Stéphanois, Grégory Coupet, tout à l'heure, qui a déclaré qu'il était à fond derrière Edel. Alors, c'est bien, non mais il faudrait vraiment qu'il soit vraiment derrière Edel, parce que comme il laisse tout passer, s'il pouvait vraiment être derrière, ça pourrait rattraper les conneries, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ça serait pas mal. Alors, notre ami Gilbert Bribois, qu'on aime tous, me dit qu'il me reste 2 minutes. Je peux encore parler du SCO d'Angers. Vas-y. 2 minutes, allez. Donc, le SCO d'Angers dont on n'a pas parlé, et dont le président et le manager général du club ont été mis en garde à vue. Et la raison invoquée, c'était des anomalies dans la gestion. Ah ouais, d'accord. Donc c'est tout, on les met en garde à vue juste pour ça. Alors que le directeur sportif, responsable du recrutement d'Arlavignon, lui, il est pas en garde à vue, lui. Lui, il est pas en prison, le mec. Et il a recruté tous ses joueurs chez Pinder et aux handicapés, machin. Mais non, lui, il a... Oh, non, mais attends, excusez-moi. Lui, il est pas en prison, lui, le mec d'Arlavignon. Enfin, bref, je ne préfère pas revenir là-dessus. Je vais finir en chanson pour pas choquer et rendre hommage d'abord à un joueur qui s'appelle Christophe Landrin. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un grand silence. Vincent Flandrin, qui est un magnifique joueur, qui est superbe, qui est un peu l'âme de la S Saint-Etienne. Et j'ai envie de lui rendre hommage sur Peter et Sloan, parce que c'est quand même de la grande chanson. Attention, 3, 4. Regarde ce joueur esthète, avec sa crête, années 80, un ch'ti dans le forez, frites mayonnaise, avec un verre de vin, il vit ici, comme dans un rêve, toujours froid l'aime, Christophe Landrin, le Stéphanois, comme les crampons aiment les jambes, tu sais le chaudron, c'est au nous comme qu'il ressemble, Christophe Landrin, l'homme de l'État, le rêve et l'idée temps moderne, avec en plus la classe d'un camion citerne, Christophe Landrin. Merci. J'en ai une dernière sur le meilleur joueur de la SSE. Qui c'est le meilleur joueur de la SSE? Eh ben non, c'est Bayal, évidemment. C'est Bayal, et j'ai envie de lui rendre hommage avec un autre grand groupe de boys band qui s'appelait Alliage. Attention, Bayal. Si. Bah oui. Bayal, t'es Kero à mort, tu fais vibrer toujours froid, Guichard. Bayal, toi tu es Stéphanois jusqu'au bout des doigts. Bayal, t'es Kero à mort, si la balle passe, l'attaquant passe pas. Bayal, tu lui fais le tibia comme un angle droit. Si le mec passe Bocanegra, faut mieux qu'il assure son genou chez MMA, dans les duels, mais pas ton bras. Sinon, il t'en fait une côte de poulet, y'a ça. Bayal, t'es Kero à mort. Merci, bonsoir.